Julie est brune aux yeux verts. Elle a de grands yeux et de longs cheveux. Stéphane est brun aux yeux noirs. Il a de beaux yeux et les cheveux courts. Keiko a les cheveux noirs et les yeux marrons.